sur les ondes de CIFU 89.FM. Vous écoutez le Baseball des Aigles de Trois-Rivières. C'est Mathieu Plante en direct des studios de CIFU à Trois-Rivières. On prend une petite pause de baseball, même si on n'a pas vraiment commencé le match. On va retourner au stade Canac tout à l'heure avec Simon Laliberté pour un match contre les Capitals. On est en petit délai de pluie, environ une demi-heure, on me dit, peut-être même plus que ça. Donc on a le temps pour entendre la musique. Commençons avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Même si c'est mouillé dehors, nos yeux sont secs. Voici Décibel. Les yeux secs au 89 FM. Tell no one. can hear it singing now. Royal, my guardian of the soul. On vient d'entendre Daniel Romano avec Roya, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Vous écoutez le Baseball des Aigles en direct du stade Canac. Ici Mathieu Plante en direct du studio de C'est fou à Trois-Rivières. À le temps de vous dire qu'il y en a de pluie en ce moment, il pleut à Québec, où ça se termine en tout cas. Et apparemment ça va commencer seulement à 20h. Donc les choses vont plutôt mal de ce côté-là. Avec une nouvelle surface synthétique, on s'attendait à ce qu'on puisse revenir plus rapidement que ça. Mais non, donc une bonne cinquantaine de minutes avant qu'on revienne en direct au stade voir Simon à la liberté. Mais avant ça, on s'écoute un autre bloc qui commence avec une pièce très appropriée. Voici Saison estivale de Dilarama. Tout de suite sur C'est fou 89FM. Mm-hmm. Africa. Whether you realize it or not, we've got a mess on our hands in our world. For God says, I will destroy all human plans of salvation. No matter how far. Par Holy Data, précédé de saison estivale par Dilarama. Toujours en direct des studios de C'est Fou, c'est Mathieu Plante qui remplace pendant quelques instants Simon Laliberté. Alors, on est au baseball des Aigles au stade Canac en ce moment à Québec contre les Capitales. Et le match commencera pas avant un bon 45 minutes étant donné la pluie qui vient de se terminer. Donc apparemment qu'il faut préparer le terrain avant de faire un match de baseball. J'y connais rien, mais ça veut dire qu'on a plein de temps pour de la bonne musique. Donc continuons avec des nouvelles entrées du palmarès. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau palmarès. Donc il y en a un qui vient de sortir juste là. Écoutons Larlo. Avec souffle grave. C'est un souffle grave. Vous êtes assez fou, 89 FM. Oh, peut-être pour un mot doux, mon mois de mars pour un mois doux. Chercher tout partout des bouts de roue. Oh, oh, oh. Changer mon bicycle pour un skate, mon monocycle pour un mot de tête. Chercher tout partout des bouts de toi. Veux-tu monter sur le toit de la station de ski? Ce qu'il faut pas entendre, on s'épronose les pignes ensemble et rien ne changera. Promis. Veux-tu monter sur le toit? Toyota Camry. Ris pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle. Rien ne changera. Promis. Change mon mot de passe, mon passe-partout. Partout où je passe, tu passes en dessous. Chercher tout partout des bouts de nous. Oh, oh, oh. Changer 4 francs de sous pour une pièce ronde. 3 petits coups pour une blonde. Chercher tout partout. Toyota Camry. Ris pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle. Rien ne changera. Promis. Louis-Philippe Gingras et la pièce Sutton, précédée de Larlo et Souffle Grave. 6 des nouvelles entrées qu'on a entendues depuis le début de ce petit bloc. Il y en a 13 en tout des nouveautés dans les palmarès de cette semaine. Vous pouvez entendre ça au complet ou presque jeudi après-midi dans l'assemblage requis que j'anime avec Tania Baudin entre 14h et 17h. Vous écoutez, entre guillemets, le baseball les ailes de Trois-Rivières en direct de Québec. Moi, je suis Mathieu Plante en direct de Trois-Rivières. Il y a un délai de pluie en ce moment, à peu près une heure, un petit peu moins d'une heure en fait comme délai. On devrait commencer le match vers les 20h. Ce qu'on va devoir faire en ce moment, par contre, c'est prendre une petite pause. Après ça, on va retourner à la programmation régulière. Et puis après ça, on va revenir en force pour du baseball à partir de 20h. C'est là. Hey, c'est vrai, avant de partir en pause, je m'excuse d'interrompre le petit sifflement bien cute. Je voulais voir Simon La Liberté s'il allait dire des petites niaiseries pendant que c'est pas qu'on est en onde. Dis des niaiseries. Fais un rat de quelque chose, non? Non, il fait rien. Il est pas là. C'est pas grave. On prend une pause, on vient. Restez là. Dû aux conditions météorologiques, le baseball des Aigles de Trois-Rivières continuera dans quelques minutes. De retour en studio, c'est Mathieu Plante dans les quartiers généraux de CIFU 89 FM à Trois-Rivières. Oui, c'est encore vraiment le baseball des aigles. Je sais que le message joue entre chaque pièce ou presque depuis une heure et demie environ, mais le match n'est pas annulé à Québec. Il va avoir lieu, supposément, d'ici les 20h45. Donc c'est pour ça que j'ai osé reprendre le micro avec tant de temps avant de revenir au stade avec notre ami Simon Laliberté qui va nous commenter ce match-là et nous l'analyser, lui qui est seul quand il est au stade Canac de Québec. Donc, à partir de là, on a terminé notre programmation régulière. On va revenir avec des chansons que je choisis à la main, complètement différentes de celles qu'on vient d'entendre. Je trouve que c'était violent, cette histoire. Donc, on écoute tout de suite la bronze. Oui, voici Manger nos cœurs. Sur C'est fou, 89 FM. Manger nos cœurs, ils repousseront à l'infini. Prenez tout ce qu'il y a, je suis, et ensemble on pourrait vivre. Thank you. plongeais dans le bruit pour oublier tout ça. Je plongeais dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai revu la Candare qui se cachait là-bas. Les reflets nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal en ne regrettant rien. On se dira du mal qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Danser pour voir dans des vagues de nuit, dans un dernier espoir. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. Tout sera anormal. Direct du stade Canac de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Avec Simon La Liberté à la description du match. Toute l'équipe de Cifou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et re-bienvenue donc à ce reportage qui vous parvient en direct du stade Canac à Québec. Aux alentours de 19h tout à l'heure, bien, j'ai fait... On a débuté l'émission d'avant-match de ce duel entre les Aigles et les Capitales prévu ce soir au stade Canac. On a repoussé le premier match de plusieurs minutes et finalement, bien, c'est près de 2 heures plus tard que la partie va commencer entre ces deux équipes. Le fait d'avoir une surface synthétique ici à Québec a favorisé les choses. Donc, on va être en mesure de jouer ce premier match. Et selon les radars météo, pas de pluie à l'horizon ce soir dans la vieille capitale. J'ai discuté avec les gérants des Aigles de TJ Stanton avant le match. Donc voici les propos du gérant. TJ, match contre les Capitales à Québec, toujours spécial pour toi. Mais là, on a une grosse mission du côté de l'équipe, c'est d'aller chercher une victoire puisqu'on n'en a pas de contre Québec cette année. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à les boys avant le match. C'est notre rival, mais à le même temps, c'est pas une rivalry, c'est une équipe gagne chaque match. C'est tout le monde parle que c'est spécial, c'est important, mais c'est comment se jouer comme ça. Quand je suis un ancien joueur avec les Capitals, c'est toujours avec New Jersey, c'est un bon rivalry, mais les joueurs jouent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour perdre 6 fois de suite contre Québec? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ça commence avec les lanceurs partants, c'est sûr. C'est, si notre lanceur partant donner une bonne chance, c'est moins le pressure sur notre attaque de frappeur et on focus beaucoup notre attaque de frappeur avec les, contre les autres lanceurs partants parce que le lanceur relève pour le capital, c'est tellement impressionnant. Carl Henson, un nouveau lanceur avec l'équipe, peux-tu nous parler un petit peu de lui? Mais c'est un gars qui jouait, c'est une bonne expérience, il jouait baseball affiliate avec les White Sox de Chicago, il jouait quasiment 12 seasons dans 2A, c'est un bon lanceur relève pour nous, beaucoup d'expérience, c'est un grand, 6 et 8, 360 livres, il lance fort, so. Donc c'est un lanceur vraiment intéressant, je suis content. L'ARA sur la liste des blessés, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est à court terme? Je pense que c'est pas vraiment grave. C'est pas le long terme aussi, mais c'est juste garder pour lui. Parce que les Cubains, c'est vraiment important. Tu gardes le Cuban parce que vous jouez tout le temps. Et c'est pour l'ARA, c'est avec les jambes droites, utiliser ça pour la force beaucoup. Donc, c'est juste une precaution. Ouais. Merci, bon match. Merci beaucoup. Voilà, c'était les commentaires d'avant-match du gérant des Aigles, TJ Stanton. On va faire une courte pause. Au retour, les alignements de départ du match. En voix blanc en direct de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à l'antenne de C'est fou 89.1 FM.